Bonjour, bonjour, ici Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Dans la jungle de la bande FM, c'est 92,1 MHz. Dans les entrelacs de la toile, c'est radiocampus.be. Bienvenue à bord du Midi Express qui aujourd'hui a un invité qui nous vient tout droit du Barlock. On l'accueille dans quelques instants. On ouvre le feu avec Condahola. Voilà, on a commencé avec Condahola, mon invité là en face de moi. Salut Mitch du Barlock. Salut Stéphane de Radio Campus. Voilà, ben écoute, le Barlock, ben il est ouvert déjà il y a deux ans, trois ans. Un an et demi seulement. Un an et demi. Ouais. Voilà, et en fait c'est la réunion de différentes associations. Tu peux nous rappeler ça? Ça a été un peu fait sous l'impulsion de Stéphane de NIAC ASBL, avec qui on faisait des concerts à gauche à droite depuis plusieurs... Allez, depuis on va dire un an ou deux. Et puis, bah, de fil en aiguille, on a eu cette proposition de lieu via la SBL qui est juste voisine tout stand. Et bah, vu la taille du lieu, on s'est dit autant regrouper. Bah, il y avait pas mal de salles qui avaient fermé, par exemple la RTT, la Compilothèque, etc. Donc l'idée, c'était un peu de regrouper bah, tous ces lieux qui avaient perdu bah, tout simplement leurs locaux. Aller, comment dire ça, ben, regrouper tout ce petit monde pour être un peu plus plus capable de faire tourner une telle superficie, quoi. Ok, voilà, ben, je crois qu'on n'avait pas encore parlé de cet historique, de cette genèse plutôt du Barlock sur nos ondes, bien qu'on annonce souvent vos événements. Alors bon, tu vas franchir un petit cap, n'insistons pas trop. Et donc pour fêter ça, ben, il y aura plein de concerts ce samedi et ce dimanche au Barlock. Oui, ben oui, c'est tout à fait ça. Voilà, donc il y aura notamment Kandaola qu'on vient de passer. Donc lui, il est à la fois tchèque et américain, je crois. Oui, c'est ça, il est tchèque et ben, du coup, il est en tournée pour le moment en Europe. Avec ben, des amis à lui qui s'appelle Permon Ballet Superstar, qui est une espèce de rock psyché qu'on pourrait aller qualifier crowd rock progressif comme ça, chanté en tchèque. Ok, ben on peut les écouter tout de suite, je crois. Tout à fait. queste stranocline. Potom za kameny promluví jejich činy. Až tváře přeru s rudou plamenem. Voilà, voilà, on écourte le morceau parce qu'il est très long. Je te laisse nous le présenter. Kamini, donc de Permanent Ballet Superstar, groupe tchèque, ouais. En tournée à Kundaola. Ok, ben, je vois qu'à l'affiche du samedi, il y aura aussi Edouard. Donc, j'ai passé, préparé plutôt un morceau. Ben, on l'écoute tout de suite. Oh, Voilà, ben on a commencé cette pause musicale avec Edward. C'est moi qui ai choisi le morceau, donc je vais le désannoncer moi-même. C'est Sick Monsieur sur l'album Attacking Mars. Et les Edward, je crois que ce sont des abonnés des lieux alternatifs bruxellois comme le Barlock ou le Chaff ou le Magasin 4. Ben oui, tout à fait. En fait, moi personnellement, je les ai rencontrés il y a une dizaine d'années en vacances en France. Et puis, ben, depuis, ils ont multiplié les projets parallèles à Edouard. Et donc voilà, ça reste un de mes groupes que je trouve un peu dans mes grands chouchous favoris et qui en live, faut l'entendre pour le croire, pour ceux qui n'ont jamais vu, venez, n'hésitez pas. Et Gilly, eux, ils viennent... Là, je pense qu'ils viennent d'achever une mini tournée avec Chetard et je pense qu'il y aura un nouvel album qui peut-être sera déjà en vente ce soir-là. Faut voir si il a été s'ils l'ont reçu en fait tout simplement, mais c'est une question de jour quoi. Et parmi les membres de Gilly Gilly Goulag, il y en a même qui travaillent au Barlock, si je ne me trompe. Oui, Léa fait partie de l'équipe, Hubert fait partie des ingé-sons. Oui, ils font carrément partie de l'équipe, on peut le dire. Voilà, donc on a déjà écouté en fait 4 groupes qui se produiront le premier jour. Je vois qu'il y en a une dizaine en tout, donc on va pas écouter un morceau de chacun, mais tu peux peut-être maintenant nous présenter l'ordre de passage de tous ces groupes. Mais donc le lieu ouvrira à 19h, je sais qu'on n'a pas l'habitude d'être à l'heure pour ceux qui sont habitués à venir, mais bon voilà, vu le nombre de groupes, on va quand même essayer, il y a un horaire précis. Donc, premier concert à 20h30 avec Greluchon, qui est en fait Elliot, qui chante notamment dans Mammouth, Crête et pas Crête, enfin aussi bien actif depuis quelques années dans le milieu électro-queer-punk. Donc là, c'est un projet solo. Donc de 20h30 à 21h, 21h35, non, de 9h15 à 22h05, Permode Ballet de Superstar, donc les groupes tchèques qu'on a écoutés en début d'émission. Okay. 22h20, 22h40, le jour du Seigneur, duo basse batterie avec Arnaud Pacotte et Benjamin Chaval. Constitution anale de 22h55 à 23h15, c'est un show noise avec Ben, le programmateur du Magasin 4. Suivi à 23h30 de minuit, jusque minuit quart, pneumatique et de compresseur avec les frères maçons du Magasin 4 également. Avec les voisins. Oui, voilà, c'est ça. Nos sympathiques voisins, comme on dit. De minuit à minuit 40, Edouard. De 1h55 à 1h45, Tattoo Noise Act avec toute la bande des fondateurs de la boucherie moderne. De 2h à 2h50, Gilly Gilly Goulag, de 3h05 à 4h, voire plus, car il m'a dit qu'il était prêt à jouer toute la nuit s'il le fallait. Kundaola. Donc, on clôture le bal avec Kundaola le premier jour. Oui. Je vois qu'il y aura aussi des DJ. Voilà, qui à mon avis, ce jour-là, n'auront pas le temps de mettre beaucoup, beaucoup de musique, mais normalement, aller de 4h à 6h, on va dire. Et donc il y a Atka, Veni Vidi, Cœur Vert et Vide la salle. Et Vide la salle, bien entendu. Notre ami Peter. Voilà. Qui est déjà venu passer de la musique dans cette émission. Ça voilà. Ne m'étonne pas. Et qu'on remercie au passage. Le prix d'entrée, c'est un prix conseillé comme d'habitude. Là on conseille 7€ vu le nombre de groupes faut quand même payer tout. Tous ces groupes qui sont des amis, mais quand même. Et donc, on va faire une espèce de combi ticket pour ceux qui veulent venir les deux jours. Donc, ça passe à 12€ les deux jours, si je me rappelle bien. Oui, c'est ce que j'ai dans mes notes. En tout cas, c'est bien cela. Voilà, on va s'attaquer au deuxième jour. On écoute OVO. Thank you. Voilà, cette fois-ci, le morceau est fini. Donc, tout d'abord, il y avait Ovo avec le titre La Peste sur l'album Cicatrici, un duo italien. Voilà, ben, je te laisse nous le présenter. Donc voilà, Ovo, duo italien, c'est donc Stefania et le, je ne me rappelle plus, au chant, hein, la guitare basse, enfin, espèce de mix entre guitare et basse, avec sa voix d'outre-tombe caractéristique et le batteur qui joue juste avec un tom bass, enfin un groupe assez impressionnant. Je crois que c'est la seule date en Belgique pour cette année. Donc voilà, on en est assez content de les accueillir. Et ensuite, c'était Goura, duo basse-batterie de Gand, David et Lynch, qui sont hyper actifs dans la scène Doom, Punk Do It Yourself, etc. Et voilà, le nom du morceau c'était Live Fast and Die Long, ils joueront juste après Ovo. Voilà, on va enchaîner avec le titre suivant. Je vois que Pierre Boulez sera l'affiche. Non, c'est le titre du morceau. Voilà, voilà. Donc c'était le Death to Mankind, un groupe qui nous vient de Paris, du label Moncus et du Tofu. Label qu'on affectionne particulièrement au Barlock. On a déjà fait jouer beaucoup, beaucoup de groupes issus de ce label. Voilà, et on retrouve souvent les disques de ce label dans la distro de notre ami Antonin, alias Attila Tralala. Ben oui, qui sera peut-être présent ce jour-là, mais en tout cas il y aura pas mal de distros vu le nombre de groupes, déjà donc rien que les distros des groupes. Aussi présent, il y aura un stand de nourriture Full Not Bombs, collectif qui fait principalement de la récup et fait à manger sur des lieux alternatifs. Des amis vendront des affiches sérigraphiées de l'événement. Collectif vente de t-shirts, etc. Sera également présent Modus Fiesta avec leurs bouchons d'oreilles, leurs dépliants, etc. Ok, et ces dépliants, de quoi parle-t-il ? Tout ce qui est prévention par rapport à la consommation, ainsi que de produits stupéfiants, ainsi que bouchons d'oreilles, préservatifs, etc. Ok, il y aura... On a encore prévu un petit morceau de musique de nos amis de Chetard. Voilà. Voilà, c'était Chetard qui passera à 1h10, c'est tard. Je pouvais pas m'en empêcher. Ben oui, je m'en doutais. Donc, tu peux nous présenter Chetard ? Chetard, c'est un groupe, ils sont trois, Nick au chant, je ne me rappelle plus les prénoms des autres. Martin et Lotte. Voilà. Et qui ont une présence scénique assez hallucinante, Nick sautant et s'accrochant à peu près à part tout ce qui est possible de s'accrocher et de sauter dessus dans la salle. Voilà, ils termineront. Est-ce que je passe en revue l'horaire du jour ou... Oui, bonne idée. De 20h à 20h20, Dawa Mesk, plus connu, qui fait souvent des lives, qui est une émission sur Campus. Sur Panic. Et qui fait des sérigraphies. Qui a un peu un touche-à-tout. Donc là, il va faire un set de Harsh Noise avec des cassettes de l'année, des enregistrements datant de l'année 1976, l'année où je suis né, tombé sur Terre. De 20h35 à 21h, le Death to Mankind. De 9h15 à 9h50, Meurtre Fantôme, groupe issu de la scène aménoise qui me font le plaisir de se reformer exceptionnellement pour cette date. Décidément, les gens d'Amiens nous rendent souvent visite. Oui, tout à fait. De 10h05 à 10h25, Krakenizer, un nouveau groupe issu du magasin 4, des bénévoles, plutôt électropunk, on peut dire ça comme ça. De 10h40 à 11h25, Les Fabuleux au Veau. De 11h40 à 10h10, Goura. De 10h25 à 10h55, Marcaille, One Man Band, violoncelle, batterie. J'imagine que les trois quarts des gens qui entendent le connaissent. C'est Motorhead à lui tout seul. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Il a la même énergie que les trois réunis. Et 1h10 à 1h35 chez Tard. Et ensuite, la surboom avec les DJ cités qui seront là tout le week-end, en fait. Ok, je crois qu'on a fait tout le tour. Il y a encore quelque chose à ajouter pour ces festivités ? Bienvenue, ratez pas ça, parce qu'à mon avis, ça va pas être tous les week-ends comme ça. Voilà. Ben, le Barlock, nous y sommes, nous y restons. On va voir ce qui s'y passe ce soir. On enchaîne avec Paul Beauchamp. Thank you. Paul Beauchamp avec un extrait de sa pièce Muddy Creek. Paul Beauchamp joue ce soir au Barlock et si je ne me trompe, il était hier soir au Café Central. Paul Beauchamp, ben, c'est de la musique expérimentale électro-acoustique comme on l'entend. Il est également actif dans le groupe Blind Cave Salamander. À l'affiche du Barlock ce soir, il y aura aussi Philippe Cavalleri de Liège. Sa musique, ce sont des enregistrements de la vie de tous les jours, des expérimentations artisanales et de l'amour. Un souffle léger de musique ou de rêve, n'importe quoi pour nous faire presque sentir, n'importe quoi pour nous empêcher de penser. Et puis il y aura aussi Félon, autrement dit notre amie Léa du Barlock et de Gilly Goulag, mais sous le nom de Félon, elle est toute seule sur scène, munie d'une boîte à rythme, de sa harpe, de pédales d'effet et de quelques objets en tout genre. Félon improvise une musique mystique pour réchauffer vos hivers nucléaires et animer vos rites funéraires sur Pluton. Paul Beauchamp, Philippe Cavalleri et Félon ce soir au Barlock, avenue du Port 53 bis à 20h. Et il paraît que ça commencera quasiment à l'heure. Prix conseillé 5 euros. On va aller voir maintenant ce qui se passe ce soir au Café Central. On écoute Laetitia Sherif. fly and sing in the stone where off wind, in the stone where off wind. Laetitia Sheriff, Friendly Bird, sur l'album Pandemonium, Solars and Stars. Contrairement au patronyme qu'elle s'est choisi, Laetitia Sheriff n'est pas du genre à respecter ou à faire respecter la loi. Elle sera même plutôt de ceux qui la transgressent avec gourmandise, comme en atteste la liste de ses collaborateurs par le passé. Tous des vandales de la bien-pensance musicale. Son dernier disque, Pandemonium Solas and Stars, Solas ou Soleil, je ne sais pas, est une petite merveille de rage lumineuse, de désespoir fertile. Laetitia Sheriff, vous la verrez ce soir au Café Central, Borgval 14, vers 21h30, entrée gratuite. Les Gabba Lovers, No Time. Les Gabba Lovers sont au chant Gabba, qui joue aussi dans les Vaporellas, à la guitare J.L. Love Gang, à la basse notre ami Flup, que de Females Rock, qui joue aussi dans les Narcotiques Daffodils, et à la batterie Michel Z. des Rollies. Les Gabba Lovers, vous pourrez aller les écouter à l'archipel mardi 26 à 20h30. Vous ne savez pas où est l'archipel, alors je vous le dis, c'est au marché au poulet 12-14, l'archipel marché au poulet 12-14, mardi 26 à 20h30. La vie s'écoule.

En parallèle, les réalisateurs filment dans la durée les machines, les postes, les gestes des ouvriers qui se montrent dans leur activité mécanique. Mais chacun reste habité par lui-même grâce à ses confidences hors champ qui creusent la distance salutaire. De portrait en portrait, le film avance pour finir par cette création musicale que viennent jouer dans l'usine les travailleurs qui ont donné leur son, leur temps, leur voix à la construction de cette œuvre polyphonique qui leur rend hommage. Si créer et travailler à la chaîne continue de s'opposer radicalement, la démarche de Freeze, donc le musicien, comme celle du film, mettent le travail en commun et font converger le labeur vers la création. Et nous avons des places à vous offrir pour ces films, donc dans la thématique regard sur le travail. Des places pour le film que je viens de présenter, C'est quoi ce travail, donc vendredi à 20h. On a également des places pour Work Hard, Play Hard, samedi 23 à 21h. Et puis encore des places pour Entrée du personnel, ce sera dimanche à 18h. Tout ça au 02 640 87 17. Tout d'abord, c'était Beaumont un an avec The Hunted et maintenant Facteur Cheval avec Vilain Bûcheron sur la Crassette numéro 1. Mais Facteur Cheval ne sort pas que des Crassettes, ils viennent de sortir leur premier LP. Facteur Cheval fusionne l'univers de Zoft avec celui de Karl tout en ajoutant Tanakan alias Christophe Rowe au clavier. Il en résulte une musique à texte puissante, pêchue, parsemée d'envolées psychédéliques et de rythmes saccadés. Et ils ont donc sorti leur première LP intitulée Adieu l'organique. Enfin non, ils ont sorti, ils le sortent très exactement après-demain chez Humpty Dumpty Records. Et pour fêter cette sortie, il vous convie lundi 25 au Café Central vers 21h30. Et je vous rappelle qu'il reste des places à offrir pour les films au Nova dans le cadre de la thématique « Regard sur le travail ». Je cherche du travail. Pas trop vite. Oh putain, il y en a. Mon itinérant en mode sans contrainte, je scrute les usines qui transpirent les plaintes. L'ouvrier comme toujours pleure comme un lavabo sur un avenir trop plat pour cinq capitalos. Je ne suis pas de cela, je ne ronge pas mon frein. Je shoote dans la boue sur l'ange jusqu'au matin. Jamais de se prêt à se tuer au travail. La liberté dans le vent s'assume mes centrales. Des heures à profiter en se soumettant pas. Aliénation, fardeau, assassin, patronat. Existence qui se paye trop souvent dans le sang. Dans mon hémorragie, tâchez votre bienséance. Blandais mon baston créé toute ma vie. Sauvage, je suis toujours que laissé mon hobby. Je ne gagne pas d'argent en déplaise au profit. La route comme religion, je resterai insoumis. La lame blanche du couteau laisse cirer mon corps. Plus de travail pour moi, les patrons sont des porcs. Je suis au chômage et je ne m'ennuie pas. Je vis dans un monde imparfait, tout est à refaire. Je suis au chômage mais je compte y rester. Il n'y a pas d'ennui lorsqu'on n'a pas de carrière. Je suis au chômage mais je ne m'ennuie pas. Je vis dans un monde imparfait. Je suis au chômage, je compte y rester. Il n'y a pas d'ennui lorsqu'on n'a pas de carrière. Il n'y a pas d'ennui lorsqu'on n'a pas de carrière. We'll be right back. faites à nulle part d'action directe. Alors ils ouvrent les cages et ils s'abattent et ils saccagent. Ils luttent contre l'intolérable, ils ne font de libération à demain. Alors ils ouvrent les cages et ils s'abattent et ils saccagent. Ils luttent contre l'intolérable, ils ne font de libération à demain. D'abord, Prince Ringard avec Pas de carrière, et maintenant les Fossoyeurs Sceptiques avec ALF sur l'album L'Appel du Désordre. L'Appel, P-E-2-L. Ces deux groupes joueront vendredi au Bocal Royal dans le cadre d'une soirée de soutien à la libération animale et à la libération de la terre. Prince Ringard, c'est de... du folk rock antifasciste. Les Fossoyeurs Sceptiques, c'est plutôt de l'anarcho-folk pas content. Ils viennent de Lille. Il y aura aussi au Bocal Royal Bobar Anarkovitch. Là, c'est de l'anarcho-hip-hop de Liège. Et puis X-Diver X. C'est du hardcore limbourgeois. Et finalement, DJ Phonétique de Bruxelles. Il y aura sur place un bar, des cocktails de fruits, de la nourriture végane, des stands avec des infos activistes et des distros. Entrée à prix libre. Premier concert à 20h, donc vendredi 22 au Bocal Royal, 123 rue Royale. Yeah. fond. William Carlos Williams avec Salt Pila. Mardi 26, donc la semaine prochaine, l'espace Sangor vous convie à l'apéro des solidarités. Créons des liens, c'est leur slogan. C'est une rencontre entre citoyens, collectifs, associations et institutions d'État urbain, d'Ixelles ou d'ailleurs. L'idée est de mettre en avant des initiatives, petites ou grandes, mises en œuvre ici comme ailleurs sur la planète afin de rendre le monde plus juste et le quotidien plus convivial pour tous. La soirée sera introduite par le conteur Maurice Boicassé. Il y aura deux concerts, Les Cœurs, Chants de la Mémoire et le Buena Vida Social Band, un super buffet par la SBL Miss Vertico et Refresh. Il y aura aussi une table pour des enfants. Au programme, des initiatives citoyennes, associatives et communales locales échangeront avec le public autour de 6 tables thématiques. Le lien par l'art et la culture, le lien par l'accueil et le regard, le lien dans l'espace public, le lien des outils internet collaboratifs, le lien par les échanges de savoir, regard croisé entre initiatives actives en Belgique et en Afrique. Informations et réservations, soit par téléphone au 02 230 31 40 ou alors à l'adresse réservation@sangor.be. C'est mardi 26 à 17h30. On va enchaîner avec Shoeshine. Un petit instant, je prépare le morceau. Voilà, voilà. Et je vous l'envoie. Voilà, ça commence dans quelques instants. Thank you. Shoeshine with this mind. Sur l'album Cinch in or Sleaze, ils joueront au Point Culture de l'ULB ce vendredi de 12h30 à 13h30. Et d'ailleurs, il se passe quelque chose en ce moment au Point Culture de l'ULB. On va peut-être tenter d'écouter quelques instants. Non, là, je crois que ce sont des explications. Il n'y a malheureusement pas de musique, donc on va poursuivre avec Raw Dog. Voilà, c'était Raw Dog avec Sugar. Ils joueront samedi à l'auberge de jeunesse. Le Chab à l'affiche, ben, il y aura aussi Sue Ellen, qu'on s'écoute tout de suite. C'était Sue Ellen, donc je disais Rawdog, et Sue Ellen en concert samedi 23 au Chab, rue Traversière numéro 8, entrée libre, c'est annoncé à 20h. Allez, on prolonge un peu le Midi Express, on enchaîne avec Cocaine Peace. Cocaine Peace avec Tourette, c'est un groupe punk crust de Liège, vendredi au Magasin 4. Il y a aussi Organique, un trio belge qui existe depuis 2011, aux influences de la New Wave du début des années 80, au post-rock. On verra aussi Martin Bissi, entre New Wave et Indie Rock, et en tête d'affiche Pop 1280, un groupe cyberpunk de New York formé en 2009. Plongeons dans les profondeurs et des bas-fonds new-yorkais avec ce quatuor nauséabond distillant une trash pop sombre munie de synthé punk rappelant leurs ancêtres de Suicide. Tout ça vendredi au Magasin 4, ouverture des portes 20h, premier concert 20h30, entrée 8€. On s'écoute un dernier morceau ou un avant-dernier, on va voir. Ça, c'est Cattle, dont on écoute la pièce Wah Bessie. Ce sont d'anciens membres de Kuda et des membres actuels des groupes Super Luxury, Clench et Gorak. Ils joueront vendredi au Labo Cube. On y verra aussi Zozo, des Britanniques, qui jouent de la funky, noisy, no wave. Cattle et Zozo ou Zozo, vendredi au Labo Cube, chaussée de Louvain 242, ouverture et apéro à 20h, premier concert à 20h30 précise, entrée 5 euros. Ceci met fin à ce Midi Express, dans une semaine pour un autre Midi Express. Bon après-midi tout le monde, la playlist de l'émission vers 14h sur notre site internet.